ordonnes la remise des dettes, la main ouverte vers le pauvre, car ton peuple libéré de l'esclavage ne peut refermer son cœur à la souffrance des autres. Tu rappelles que la terre ne manquera pas, mais que l'égoïsme appauvrit, et que celui qui donne dans la foi ne perd jamais ce qu'il confie. La liberté donnée à peine, la générosité vécue. Apprends-nous à lire.